En Corée du Sud, la Fédération générale nationale des sociétés des paysans a tenu le 7 juin une conférence de presse devant le siège de l'Assemblée nationale contre la servilité des autorités qui projettent d'importer du riz des États-Unis.